C'est novembre et pourtant on se croirait en mai. Le ciel s'est fait lilas pour la fête des morts. La mer partout scintille. Dans l'armoire elle a pris une robe légère, sa perruque platine, un grand chapeau de paille fine. Le miroir, elle a refait ses yeux de biche, un trait de noir, un rien de bleu, un doigt de rose. Dans la rue, elle a pris son trottoir d'habitude pour aller faire un tour. Les palmiers et le sable se souvient du pas des noctambules, les vagues l'ont jonché et de vagues bouts de bois. Le soleil s'est brisé sur l'acier des voitures, un éclat dans son cœur a rouvert la blessure. Elle est morte au réveil de son premier amour. C'est novembre et pourtant on se croirait en mai. Le ciel s'est fait lilas pour la fête des morts. La mer partout scintille.